on se retrouve après avoir compté les heures. C'est comme un ciel qui se découvre et je te serre contre mon cœur. Quand vient le soir, Dieu, que je t'aime, je me retrouve seul avec toi. Tu fermes la porte et tu m'entraînes vers tout ce qui peut faire ma joie. Tu es si belle, belle comme un rêve, que mon bonheur est sans pareil. Tu es si belle, belle comme un rêve, et je veux t'offrir le soleil. Quand vient le soir, on se retrouve. Je te connais bien et pourtant, à chaque fois, mes yeux découvrent un monde toujours différent. Si belle, belle comme un rêve, que mon bonheur est sans pareil. Tu es si belle, belle comme un rêve, et je veux t'offrir le soleil. Quand vient le soir, Dieu, que je t'aime, ta voix est si douce dans le noir. Comme un enfant, mes yeux se ferment, car tu es ma plus belle histoire.